Quelle heure il peut être chez moi ? Autour du monde. Autour du monde. De Laurent Mauvignier. Adaptation, Louise Loubrieux. Réalisation, Juliette Eman. Premier épisode. Quelle heure il peut être à Mexico ? Guillermo ne peut pas rester sans rien faire, ni attendre encore, alors que dehors, de l'autre côté de la vitre, l'image de cette fille se mêle au reflet du comptoir, avec les pans entiers de miroirs et les néons jaunes et roses qui se dessinent dans le gris du ciel, comme des peintures suspendues au vide. Quelle heure il peut être à Mexico ? Guillermo est au Japon depuis 3 semaines. Faut pas s'en faire. C'est pas la première fois qu'il part seul. C'est un solitaire, vous savez. Votre salopard de fils n'a même pas daigné me prévenir de son départ. Il est du genre à sortir, acheter des cigarettes et à revenir 3 semaines plus tard. La mine réjouie est tout à fait disposée à parler des gens magnifiques qu'il a rencontrés pendant tout ce temps où vous vous rongiez les sangs pour lui. Quelle heure il peut être là-bas ? L'image de ses parents, de Javier, Alicia le traverse comme une sorte de mauvais courant électrique, mais file et disparaît quelque part dans les méandres de son cerveau. Pour lui, la seule chose qui compte vraiment, c'est de partir et de découvrir le monde. Les États-Unis, l'Inde, le Japon. À sa façon, il veut vérifier si le réel est à la hauteur de ses rêves, de ses désirs. Des fantasmes, des images. Les USA ont tracé leur route 66 en plein milieu de son cerveau, et l'Inde, une route vers le Népal. Et puis, il y a cette autre passion, vraie, ancienne, aussi vieille que ses souvenirs d'enfance, le Japon. Ce que Guillermo ne peut pas savoir encore, c'est que cet après-midi, lui parmi d'autres, parmi des milliers, comprendra juste qu'il n'aura plus l'occasion de revoir ni Mexico, ni personne, ni même d'avoir un avenir. Pour l'instant, cette aventure japonaise est une jolie parenthèse du prénom de Yuko. L'haleine de Guillermo est encore chargée de café, de thé, et surtout des relents de l'alcool qu'il a avalé depuis 2 jours presque sans discontinuer. Il se souvient vaguement de la prise de coke, des 2 gars aux cheveux jaunes, de la lumière et des néons, de la techno à fond, du déhanchement de Yuko, de son désir de danser et surtout de sa bouche avide, et aussi de la blessure qu'avait faite à sa langue le clou qu'elle porte juste au-dessus de la lèvre inférieure. Quand ils sont sortis de la boîte au milieu de la nuit, 3 ou 4 types les avaient agressés. Guillermo s'était réveillé sur le froid d'une dalle de béton, une arcade légèrement ouverte et son jean déchiré au niveau du genou. Il y avait des traces de sang sur le tissu. Son argent et sa montre avaient disparu. Le japonais est une langue aussi abstraite qu'une toile de Pollock. Elle semble ne pas avoir de grammaire, d'ordre établi. Cette langue parle par faisceaux lumineux irradiant l'espace dans tous les sens. C'est aussi mystérieux et poétique que la forme d'un cercle. Toutes ces images qu'il a accumulées en 3 semaines. Les formes serpentines des lignes de métro de Tokyo. Les gens qu'il a rencontrés et ce moment où il s'était décidé à chercher une fille. Ça faisait 3 semaines qu'il n'avait touché personne. Il voulait rencontrer une fille qui soit suffisamment cinglée pour faire l'amour au premier coup d'œil et lui trouver de quoi se défoncer. Yuko a peut-être 18 ans, ou peut-être plus, parce que les Japonaises ont toutes l'air si jeunes. Même les femmes mûres ont quelque chose de jeune. Sur sa jambe droite, un tatouage s'enroule autour du tibia et remonte tout le long de la cuisse en en faisant le tour, s'enroulant comme une plante, se hissant comme un lierre et qui, gueule ouverte, croc bien visible, menace le sexe en dardant vers lui une langue fourchue. Sa jambe est comme un arbre autour duquel s'enroule le serpent pour monter vers son sexe et son ventre si blanc, si lisse que les hommes en sont fous. Pas un n'ose demander quoi que ce soit ou faire une allusion à la Bible, aux fruits défendus, quelque chose de cet ordre. Non, pas un, parce que tous sont impressionnés. Personne n'ose lui faire des remarques non plus sur ses étranges boursouflures, épaisses, rugueuses, quelques balafres comme des coups de fouet striant les omoplates et le haut de son dos. On se fait chier. Non, je me fais chier dans ton bar. Non, je veux plus bosser avec toi. Tu me dois trop d'argent. Comment ça ? Quoi ? Le patron du lingerie pub où elle travaillait avait compris l'intérêt d'une serveuse aussi singulière. Une belle jeune fille qui ne demandait rien et donnait peut-être plus qu'elle n'avait à offrir. Le patron savait que nombre de ses clients étaient très intrigués par ses cicatrices, davantage encore que par le serpent. Il savait par expérience que parmi les hommes, nombreux sont les tordus. Il comptait sur Yuko pour les attirer et les retenir. Je dois me dépêcher, je pars tout à l'heure, dans le nord, oui. Oui, c'est ça, avec un homme. Oui, c'est ça, dans le pays qui pue le poisson séché. Allez, salut. Ce matin, tout semble différent, à cause d'un éclat particulier de la lumière, un état d'esprit impalpable et doux. L'envie de respirer fort, de se dire qu'on repart à zéro parce que la route serpentera à travers les montagnes, que Yuko ne lui demandera rien sur sa vie, et parce qu'il y aura sa bouche si joliment dessinée, et ses seins petits et fermes là, juste à côté de lui, son regard tremblant. Dans l'air, des images flottantes, et aussi des montagnes et les cerisiers sur la route. Même s'ils ne sont pas encore en fleurs, il y aura encore comme une odeur vaporeuse, légère. Des images de cartes postales que ne viendront pas contredire ni altérer les panneaux publicitaires et les prêts sur gage Yoshikawa. Des chaînes de fast-food et des supermarchés, McDonald's, Family Mart, Lawson, Yoshinoya. Et sur la plage arrière de la voiture, comme une masse molle et sombre, s'étendra le blouson de Yuko. Celui-là dont elle se couvrira cet après-midi, sans savoir que ce geste ne fera que participer à l'enchaînement de faits minuscules tenant du miracle et qui, mis bout à bout, lui sauveront la vie. Une fois garée la voiture sur un parking près du port, Yuko fait entrer Guillermo dans une des maisons au cœur des ruelles du centre-ville. Une maison typique, aux murs bruns et aux toits bleus. À l'intérieur, il fait froid. Guillermo remarque le terrarium dans un coin du salon. Sans doute, il est vide et à l'abandon depuis des années. Le serpent qui était là a peut-être servi de modèle à celui qui est dessiné sur la jambe de Yuko. Guillermo reste debout à la regarder, elle, dans sa maigreur, sa pâleur. Il cherche à lire à travers sa fatigue et à comprendre ce qui l'amène soudain à s'agiter. Les gestes s'organisent dans la maison autour du corps de Yuko. Il lui donne une richesse immense et un savoir délicat et précieux. Le corps de Yuko a l'énergie d'une bête marine et secrète, monstrueuse et mythique. Plutôt une sorte de pieuvre diabolique qu'une sirène. L'élégance hautaine d'un autre animal, des forêts, celui-ci. Guillermo imagine un grand cerf impérieux, avec des bois immenses qui couronnent son crâne et s'élancent dans des ramifications invraisemblables. Et à chacun de ses pas, une touffe d'herbe et de fleurs naît, s'épanouit et meurt en quelques secondes. Il a peut-être vu ça dans un film. Ou peut-être est-ce dû aux odeurs de la maison. Ou bien simplement parce qu'il trouve Yuko excitante, belle, que l'envie de faire l'amour avec elle le reprend subitement. Sauf qu'en réalité, évidemment, elle ne l'avait pas vraiment lâché. À peine si elle s'était mise en stand-by, histoire de reprendre des forces, de revenir plus puissante et inassouvie que jamais. T'es spécialisée dans le ramassage de Mexicains au Japon ? Du mezcal. L'alcool lui brûle la bouche, le palais, la gorge. Ses yeux s'emplissent de larmes. Elle secoue sa tête, comme si c'était un spasme qui la parcourait. Ils se mettent à boire à tour de rôle sans se quitter du regard. « Mac de Mezcal n'existe pas au Mexique. En moins de 10 minutes, on lui aura fait son affaire. Oh mon Dieu, faut absolument mesurer la taille de ce serpent autour de ta jambe. Oh, c'est sûr, c'est un géant des mers. Je me suis jamais posé la question. Les mains de Guillermo maintenant s'agrippent à ses fesses et à ses hanches. Elle penche le cou et la tête de Guillermo se penche sur elle. Et Yuko sent qu'elle bascule. Elle va tomber. Il la retient et l'entraîne. Et bientôt, ils sont tous les deux au sol, sur le plancher sec et poussiéreux de vieux bois blanc. Et alors, ils ne le savent pas encore. Mais quelque chose dans les entrailles de la terre, très loin en mer, pas assez loin cependant. Quelque chose a commencé trop près du Japon. Quelque chose dans la nuit marine. Quelque chose là-bas, dans les profondeurs, a commencé d'arriver. Le mezcal se met à vibrer dans la bouteille. Oui, c'est comme un frémissement, une casserole d'eau qui bout sur le feu. Et puis c'est la bouteille elle-même qui se met à trembler et à rouler. D'abord, c'est presque rien. Ça arrive lentement, un frissonnement. Puis la bouteille roule, mais ce n'est pas exactement ça. Elle semble plutôt prise de spasme. Elle vibre. Elle sautille sur elle-même et ne sait plus sa route. Elle fait des petits bonds, elle rebondit, repart, dévie et... Il s'arrête pour la regarder. Il ne bouge plus. C'est comme une danse. Au début, un bruit comme les vieux télégraphes dans les films en noir et blanc. Et puis un bruit plus fort, un bruit de castagnette. L'un d'eux laisse échapper de sa bouche quelque chose comme un haut étonné et presque timide, incrédule. L'autre ne répond rien. S'il le faisait, sa voix ne serait peut-être pas audible parce que les vitres elles-mêmes commencent à vibrer, puis à trembler trop fort. Puis les murs à l'unisson aussi tremblent et laissent monter cette vibration qui bientôt saisit toute la maison et la fait craquer et se tordre. À l'intérieur, tous les objets semblent soudain avouer qu'ils sont vivants, qu'ils ont toujours été vivants. Et il gêne, chuinte, crie, hurle et se contorsionne, se déforme, tire, pousse, casse. Et cette fois, la vie semble surgir de l'intérieur des objets. Mais c'est une vie malade qui grince, éructe, grogne. Et à l'intérieur des vivants, une autre vie s'anime. La vibration parcourt les corps et fait sonner les os comme une caisse de résonance dans les membres. Des bruits qui remontent le long des corps, quelque chose de trépidant dans les murs. Dans les objets, quelque chose comme des pulsations instables se répandant, se diffractant, explosant partout à l'intérieur des choses et des corps. Reste au sol. Yuko sait ce qu'il faut faire. On l'a appris à l'école. On l'a répété des centaines de fois. On l'a fait aussi à d'autres occasions. Mais là, les vibrations ne se calment pas tout de suite. On croit que ça va finir, mais non, au contraire. À ce moment-là, les objets s'affolent. Les bibelots s'échappent des étagères. Dans la cuisine, dans les meubles. Les chaises tombent et les lampes, non. Elles décrivent des cercles, des sursauts comme des hoquets. Et tout autour, c'est la dégringolade des gamelles, des bouteilles. Ça éclate comme des bulles, ça casse, se fend. Des objets légers comme l'air ou lourds et si apparemment impassibles. Le terrarium se soulève et retombe dans un énorme craquement. Et comme un grand corps abattu, il fait résonner et trembler le plancher et les planches se disjoignent. Sortir très vite. Elle sait, comme tous les Japonais le savent. Guillermo le sait aussi. Il ne va pas raconter son histoire à Yuko. Non. Il pourrait, mais il ne va pas dire qu'il doit sa vie au séisme de Mexico en 1985. Que sa mère avait été sauvée par un inconnu qui deviendra son père pendant qu'à l'autre bout de la ville, le fiancé de sa mère finissait écrasé sous le poids d'un immeuble. Non, il ne le dira pas. Il ne pense qu'à peine à sa mère, à son père, à leur rencontre et à sa naissance comme ligne d'horizon. Guillermo maintenant roule sur le sol avec Yuko. Il voudrait la pénétrer maintenant. Oui. Il voudrait la baiser, là, de toutes ses forces. Il voudrait la prendre pendant que la terre tremble et que la peur, la sueur et le mezcal dansent dans leur tête comme une défonce géante et magnifique. Les secondes vibrent et craquent elles aussi. Elles s'étendent, s'allongent, le temps s'étire, s'étend, ça ne finira pas. À l'extérieur, il y a des cris, des alarmes, des effondrements. Et c'est comme si chacun les vivait dans sa cage thoracique, dans l'éclatement sans fin des idées et des sensations de sa boîte crânienne. Et au-dessus, tout craque, et le toit, la maison entière vacille, et bientôt... Non, pas bientôt. Au contraire, c'est infiniment lent à arriver. Ça décroît lentement, puis enfin seulement, ça se calme. Ils finissent par le comprendre, le deviner. Ça y est, ça redescend. Ça redescend. Et leurs corps restent enlacés et enserrés, et c'est comme si ni l'un ni l'autre ne pouvaient bouger ni se séparer de l'autre. Voilà, ça redescend. Enfin. Leur corps. Enfin. Lentement. Incertain. Leur corps se sépare. Puis c'est un calme étrange et lourd. Un calme harassé et vibrant, mais vibrant cette fois de son silence et du poids de son répit. La vie semble refluer et regagner le silence de la terre. 14h, 46 minutes et 44 secondes, heure locale quand ça a commencé. Plus de 2 minutes et quelques poignées de secondes jetées dans le tremblement fou. Ça a duré 2 minutes. Sauf qu'en réalité, à partir de ce moment-là, les minutes ne veulent plus rien dire. Yuko veut se relever. Elle essaie. Ses jambes tremblent. Elle n'a plus de force en elle. Elle a l'impression de ne plus avoir de force à part celle qui court dans les mains de Guillermo. Celle qui palpite et s'agite dans sa bouche à lui, qui rit. Il rit de plus en plus fort. Elle veut repousser Guillermo, mais finalement c'est lui qui se redresse avant elle. Lui qui l'aide à se relever. Il voit comme elle est blême, et lui aussi est blême. Tous les deux alors font les gestes machinaux de se rhabiller, mais c'est sans le voir, sans se rendre compte, ça n'a pas d'importance. Yuko veut regarder ce qui se passe, si sa maison tient le coup. Elle voudrait, mais elle reste courbée, cassée à angle droit, se retenant d'une main contre le mur de sa maison, les jambes molles, flageolantes sous son poids et son souffle haletant. Une odeur de mescal et de thé lui brûle le cerveau et l'alcool lui brûle la gorge et le nez. Elle vomit par le nez. Ça lui déchire le ventre et l'œsophage. Guillermo voudrait l'aider, mais il ne peut pas. Il est happé par ce qui se passe autour d'eux. Les dégâts dans la maison, le terrarium qui a bougé d'au moins 3 mètres et s'est élancé au milieu de la pièce, et les chaises renversées. Et le reste. Tout le reste. Le reste qu'ils ne voient même pas à cause de la violence du bruit autour d'eux. Voilà. C'est là que tout va se jouer pour eux. Là que tout va se décider. Ils pourraient encore s'enfuir. Ils pourraient peut-être, puis très vite, ils ne peuvent plus. De partout, on crie. L'alerte est partout. Sirènes, alarmes, les voix, les cris, les regards et la terreur et l'incrédulité. Mais pour lui, le vacillement de l'alcool... L'alcool vacille en lui. Guillermo vacille en Guillermo. Et il va marcher vers la plage parce qu'il entend des voix qui viennent de là-bas. Qu'on vient de là-bas. Il faut pas aller là-bas. Il faut pas. La vague. Une première d'une 20aine de centimètres. La vague. Une seconde de près de 3 mètres. Yuko sait qu'une vague va arriver. Une autre vague. Puis une autre encore. Elle se dit qu'une digue de 10 mètres, ce sera suffisant. C'est toujours suffisant, ça a toujours suffi. Mais il ne faut pas avancer par là. Elle le sait. Elle regarde Guillermo partir vers le bruit. Un bruit furieux. Une odeur de boue. De terre retournée. Des canalisations qui ont cédé. L'odeur de poisson mort. Et sans réfléchir, elle décide de rentrer et passe son blouson parce qu'elle est traversée par un froid si terrible, comme si des pierres lui écorchaient la peau. Et puis le vacarme effrayant va venir. Des explosions de verre, des maisons qui s'arrachent du sol, des poteaux, des fils, des cris. Sa porte à elle soudain qui claque. Elle ne saura jamais comment la vague a emporté sa maison ni comment l'eau s'est engouffrée. Est-ce que Yuko va crier ? Est-ce qu'elle va pleurer et croire sa dernière heure venue ? Oui, comme des milliers de gens pour qui ce sera vrai. Des milliers de gens vont mourir ici. Certains auront le temps de fuir, mais beaucoup auront juste le temps de croire que ce n'est pas si grave. Il y a déjà eu tant d'alarmes, alors une de plus, qu'est-ce que ça peut faire? Mais ce n'est pas une de plus. Le temps de voir la vague et ce sera pour eux le temps de mourir. Le temps de la fin pour Guillermo. Le temps de voir la vague, non comme une vague, mais comme un ventre gonflant la ligne d'horizon, et c'est déjà trop tard. Elle sera sur eux et les aura brisés. Les os, les visages, tout. Dans son immense foulée, elle les aura déjà broyés. Yuko ne sait pas encore qu'elle va être projetée tout en haut, dans un angle improbable, bloquée entre deux poutres, deux plans inclinés à quelques centimètres du plafond, où elle va rester suspendue au-dessus du gouffre, accrochée comme une pendue qui ne meurt pas, qui s'obstine à vivre, qui tient sans savoir pourquoi, sans savoir comment. Et elle restera longtemps le visage dans une poche d'air, aveuglée par la peur, une terreur aveuglante, suffocante, la peau dévorée par le froid et l'eau salée, atroce, qu'elle avalera, recrachera avec la boue, les débris. Mais la maison va tenir et ne pas se disloquer comme elle aurait pu, comme elle aurait dû lorsqu'elle sera arrachée du sol. Mais elle aura roulé sur d'autres maisons. Elle sera portée par d'autres maisons, moins chanceuses. Et l'eau, enfin, finira par perdre une partie de ce qu'elle aura arraché à la terre. Enfin, l'eau se retirera. Enfin, elle désertera le terrain conquis. Elle l'abandonnera et retournera vers l'océan en passant par tous les vides, tous les trous. Les fentes, les fissures, les failles infimes seront pour elle des issues qu'elle prendra, fouillera, écartera en gardant dans l'épaisseur de ses plis et ses filets de boue des corps enchevêtrés aux morceaux de carlingues, de bâtiments, d'entrepôts. Et c'est toute l'histoire du village fracassé. Des débris de chair et de fer, des bateaux déchiquetés, des voitures, des mémoires et des familles entières, des lambeaux d'histoire et de corps qu'elle va traîner dans son repli, comme les miettes d'un festin amer et monstrueux. Tout ça ira se dissoudre et disparaître dans la mémoire et la profondeur de l'océan, dans des remous auxquels, bien sûr, Yuko ne pensera pas. Pas tout de suite. Plus tard, elle comprendra que son blouson dans le style doudoun lui aura servi de bouée de sauvetage. Mais ce sera tout. Elle restera figée dans la dévastation. La sienne est celle qu'elle reconnaîtra lorsqu'elle la croisera sur le visage d'autres rescapés. Elle aura quelque part devant ses yeux l'image fugitive et incertaine d'une silhouette d'homme marchant vers la plage ou lui faisant l'amour et se dissipant comme un rêve alcoolisé. Et elle ne saura rien à ce moment-là que cet angle mort au cœur de sa vie. Elle ne saura pas non plus qu'on l'aura retrouvée à moitié morte et incapable de parler, sous des planches, du bois flotté, des matériaux à peine reconnaissables sous la boue. Yuko, à moitié détruite mais vivante, le corps capable de se renforcer, de refuser la mort, de se nourrir encore et de recommencer à vivre avec une détermination et une obstination qui seront comme deux étrangères en elle, deux inconnues fichées au plus profond de son être. Elle ne saura pas non plus que le monde va bientôt regarder vers elle et vers la côte de Tohoku. Puis, avec son étrange compassion et cette attention teintée de peur et d'excitation, de dégoût et de jouissance, vers tout le Japon. Car bientôt ce sera l'attente, la peur, et le nom de Fukushima résonnera aux oreilles du monde entier, comme celui d'un cauchemar éveillé. La vague, elle, continuera sa route avec indifférence. Dans un an, le tsunami continuera de frapper, presque sans force, presque exténué, de l'autre côté de la planète. Pourtant, il aura encore assez de puissance pour se jeter contre des icebergs en pleine mer du Nord. Il aura parcouru la Terre, comme pour rappeler que tous les objets du monde sont reliés entre eux d'une manière ou d'une autre, et qu'ils se touchent les uns les autres. Il sera épuisé, presque muet, à bout de course, presque rien. Une vague d'une trentaine de centimètres, encore de quoi renverser un homme et le jeter à terre, Mais pour l'instant, la mer du Nord est un spectacle paisible et lisse. Le ciel calme et plat pourrait se refléter dans un miroir presque parfait, si ce n'était pas encore la nuit, presque déjà l'aube. C'est comme si on avait remonté le temps, alors que c'est seulement le miracle de l'heure universelle et des lignes méridiennes. Il est 9 heures de moins qu'au Japon. Bienvenue sur l'Odyssée. 293 mètres de long et 32 de large. 92 627 tonnes de technologie, d'élégance, de luxe qui boxe au pavillon panaméen. C'est le début de la journée. Le 11 mars commence à peine. Il n'est pas encore 8 heures du matin. La mer est une masse au noir profond d'où remonte la puissante et enivrante odeur d'iode. Le vent court à toute vitesse. Rien ne le retient. Il s'étonne peut-être encore de tomber nez à nez avec des mastodontes comme l'Odyssée. Franz regarde la mer sur le pont depuis déjà presque une heure. Il observe le remuement que l'Odyssée laisse dans son sillage. C'est le petit matin qui se lève, et Franz a l'impression qu'il ne se lève que pour lui. Il aime regarder la mer et l'étendue si vaste que même les idées les plus plates lui semblent prendre une forme de profondeur. Même lui, face au spectacle d'un lever de soleil en pleine mer, est soudain moins banal. S'il avait des amis, s'il avait une femme et des enfants, il s'imagine qu'il leur ferait la description de ce moment unique et précieux. Il parlerait de la beauté immémoriale de la Terre. Tour du monde de Laurent Mauvignier. Adaptation Louise Loubrieux. Premier épisode. Avec Audrey Bonnet, Yuko. Julien Alouf, Guillermo. Laurent Dols, Franz. Et les voix de André Abrusque, Raphaël Magnabosco, Morgan Eno, Takako Ogasawara, Akihiro Nishida, Jun Azuma, Hiroaki Ogasawara, Junko Murakami et Yumi Fujimori. Composition musicale, électro et harmonique, Dominique Massa et Patrick Martinache. Contrebasse, Erwan Ricordo. Clavier, Dominique Massa. Bruitage, Sophie Bissens et Elodie Fiat. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Bernard Laniel, Antoine Viossa. Assistante à la réalisation, Claire Chéneau. Réalisation, Juliette Eman. Autour du monde est paru aux éditions de Minuit.